les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Parmi les personnalités qui contribuèrent à faire connaître Kafka en France, Marthe Robert occupe une place de premier plan. Auteure de plusieurs essais sur l'écrivain pragois, elle fut la première à traduire son journal en français, d'après l'édition allemande établie par Max Brod en 1948. Quelques mois après la parution de cette traduction aux éditions Grasset, Jean Amrouche la recevait pour une série d'émissions qui se proposaient de mettre en lumière ce que la découverte du journal nous apprenait sur l'œuvre dans son ensemble. Dans l'épisode diffusé le 16 avril 1955 sur la chaîne nationale, elle expliquait le contexte biographique qui vit naître le roman posthume le plus célèbre de Kafka, Le Procès. La radiodiffusion télévision française présente Des idées et des hommes, une émission de Jean Amrouche. Au cours de cette émission, vous entendrez à propos de Franz Kafka. Un entretien avec Marthe Robert. Ce soir, vous entendrez quelques remarques sur le procès inspirées par la publication de la traduction du texte intégral du journal de Franz Kafka. Le procès est un des livres les plus célèbres de Kafka parce que c'est l'un de ceux qui sont le plus répandus, parce que aussi il a été transformé en pièce de théâtre qui a été représentée en 1946 par la compagnie Madeleine Renaud-Jean-Louis Barrault dans une adaptation d'André Gide. Il faut d'abord préciser dans quelles conditions le procès a été composé par Kafka. Marthe Robert. Le procès a été commencé par Franz Kafka en 1914. À cette époque, je rappelle qu'il avait 31 ans, et qu'il était fiancé depuis 2 ans avec la jeune fille et qu'il n'a jamais appelé autrement dans son journal que FB par ses initiales, n'est-ce pas? Et dont nous avons parlé l'autre jour à propos de la Frida du verdict. À cette époque, il travaille dans une compagnie d'assurance sociale dans laquelle il occupe une situation importante. Il vit chez ses parents et, quoi qu'il en dise dans le journal, il travaille beaucoup puisqu'à la fin de l'année, contrairement à ses habitudes, il fait une espèce d'inventaire des choses qu'il a écrites dans le courant de l'année. Et il note qu'en fait de textes inachevés, il a écrit Le Procès en particulier, Le Souvenir du chemin de fer de Calda, une nouvelle qui s'intitulera plus tard La taupe géante, une autre qui a disparu qui s'appelle Le Substitut, et enfin La colonie pénitentiaire qui est achevée, et un chapitre du roman Amérique. Tout ceci dans cette seule année 1914. Ce chapitre du roman Amérique avait été publié sous le titre de Le Chauffeur. C'était cela. La fameuse nouvelle. C'est cela, il avait été publié en 1913, l'année précédente, en revue. Donc, ceci peut être considéré comme une année particulièrement féconde pour Kafka, et il semble qu'il ait travaillé toute l'année au procès, mais sans l'achever, et qu'il ait continué en 1915, 16, 17, et probablement encore après. Il est très difficile de fixer précisément des dates pour la composition des œuvres de Kafka, car en fait, il les menait toutes de front. Et on le sait par exemple, parce qu'il en dit d'une part, et par une nouvelle qu'il a intitulée « Les soucis du père de famille », où il dit qu'il a 11 fils. Eh bien, en vérité, c'est qu'il avait 11 ouvrages en train en même temps. Quand le procès a-t-il été publié? C'est un ouvrage posthume, n'est-ce pas? Le procès est posthume, il est inachevé, il manque certains chapitres et l'ordre des chapitres a été rétabli par Max Brod, qui le connaissait bien par les conversations qu'il avait avec Kafka et qui l'a rétabli suivant l'ordre logique. Par exemple, il a mis le chapitre final alors qu'il manque des chapitres intermédiaires avant la fin, n'est-ce pas? Parce que c'est vraiment la fin logique du récit, c'est-à-dire l'exécution, n'est-ce pas, de Joseph K. Le roman a été publié pour la première fois en 1936 dans les œuvres complètes publiées en Allemagne par Braude et a été traduit peu de temps après, a été publié en France dans la remarquable traduction d'Alexandre Vialat. Avec une préface de Bernard Grotthuysen. Avec une préface de Bernard Grotthuysen, qui était sans doute l'une des premières choses importantes que l'on écrivait sur Kafka. Cette préface de Grotthuysen a imposé une interprétation métaphysique du procès sur laquelle je pense qu'il faudra que nous revenions. Mais avant d'en venir à l'interprétation, vous pourriez peut-être, Marthe Robert, rappeler très rapidement le sujet du livre, le problème qui est posé, et nommer les principaux personnages qui jouent un rôle dans ce livre. Bien volontiers. Le héros du roman s'appelle Joseph K., c'est-à-dire qu'il porte cette initiale que Kafka haïssait, car il détestait la lettre K, il le dit lui-même dans le journal. Et ce Joseph K. est fondé de pouvoir dans une grande banque. Il occupe donc une situation importante. C'est un monsieur bien pourvu qui vit dans une pension de famille tenue par Madame Grubach. Il a là une chambre et on peut imaginer qu'il vit d'une façon régulière en célibataire bien confortable. Un jour, néanmoins, à son réveil, il sonne pour avoir son petit déjeuner et au lieu de voir la bonne, lui apporter comme chaque matin son petit déjeuner au lit. Son chocolat. Son chocolat. Il voit arriver deux messieurs qui lui déclarent que la bonne ne viendra pas et qu'il est arrêté. Il demande pourquoi. On lui dit qu'il doit d'abord se lever. Il se lève effectivement. Et dans l'appartement même de Madame Grubach a lieu le premier interrogatoire auquel on le soumet. Néanmoins, on ne lui dit pas de quoi il est accusé, ni pourquoi il est arrêté. Toute l'atmosphère du roman est donnée déjà dans cette première scène, n'est-ce pas? On l'a souvent remarqué, ce qui frappe là beaucoup, c'est que tout se passe dans une réalité parfaitement définie, les personnages sont réels, la chambre est réelle, tout est réel, et pourtant, il y a une singulière atmosphère de rêve, on pourrait dire de cauchemar, qui, au fond, ne cesse pas pendant tout le livre. Cette sensation de cauchemar vient d'abord de ceci, qu'un homme, effectivement, est arrêté, qu'il se sent donc privé de liberté, mais qu'en même temps, on lui dit qu'il est libre d'aller à son travail, de vaquer à ses occupations, donc de continuer en apparence une vie normale. Vous avez oublié d'indiquer que les deux argousins qui entrent pour lui signifier son arrestation précise qu'ils n'ont nullement qualité, parce qu'ils sont des fonctionnaires subalternes de la justice, qu'ils n'ont nullement qualité pour lui dire sur l'ordre de qui il est arrêté et pourquoi il est arrêté. Bien sûr, c'est là même le principe de tout le livre, n'est-ce pas? Joseph K., tout au long de sa pérégrination dans les bureaux, tout au long de cette incroyable odyssée qui le mène dans les bas-fonds de la bureaucratie judiciaire, ne verra jamais que des subalternes. Et c'est en effet très important que les gens qui viennent l'arrêter prétendent ne rien savoir, ne rien pouvoir non plus pour lui. Ils peuvent tout simplement, comme on le verra par la suite, le voler et le frustrer, n'est-ce pas, de ses vêtements. Car l'un des inspecteurs, qui du reste s'appelle Franz, et c'est assez curieux de constater que généralement on l'oublie, ce Franz donc, par surcroît, va lui voler sa chemise. Non pas sa chemise, mais ses chemises, toute la pile de chemises qu'il va emporter. D'ailleurs, les inspecteurs aussi seront punis, parce que Kafka les aura dénoncés aux brigadiers, et par conséquent, eux-mêmes seront pris dans une sorte de procès, ils s'en plaindront d'ailleurs. Le brigadier, devant qui Kafka proteste de son innocence, lui dit « Ne faites pas tant de foin avec votre innocence, ça compromet l'impression plutôt bonne que vous produisez par ailleurs. Vous parlez trop, c'est le comportement qui importe. » Et Joseph K. pose alors pour lui la question essentielle qui montre qu'il vient de franchir en qualité les bornes de son existence ordinaire pour entrer dans un autre mode d'existence qui est celui du procès. Peut-on se sentir libre, croire que l'on est libre et savoir qu'on est arrêté sans être emprisonné? On lui dit d'ailleurs qu'il n'est pas encore inculpé, qu'il est simplement arrêté. C'est cela. C'est, la différence est très importante, n'est-ce pas? Il est arrêté, c'est-à-dire immobilisé au stade de vie, d'existence, d'expérience. Où il se trouve, c'est tout. On n'en dit pas davantage. On aura peu à peu l'impression que c'est lui qui se comporte en accusé. Que de l'arrestation, il a conclu à une inculpation. Et de fait, à la suite des différentes démarches qu'il fait au cours de ses interrogatoires, on le considérera comme un inculpé. Mais l'impression est néanmoins donnée qu'il a déduit hâtivement de l'arrestation à l'accusation. C'est du moins l'impression qu'on a pendant toute la première partie du livre. C'est l'impression que l'on a pendant toute la première partie du livre, mais il y a un progrès à partir de cela. À partir de cela, Kafka, ou du moins Joseph K., pose cette question: comment prouver mon innocence si je ne sais pas de quoi on m'accuse? À quoi l'extraordinaire avocat chez qui son oncle le conduit lui dit: l'accusé sera tenu pour coupable s'il n'a pas pu prouver son innocence. Et on fait intervenir l'image toute mythique de ce grand juge que l'on ne voit pas, que personne ne peut voir, que personne ne connaît. Et le grand juge déclare: l'accusé n'a pas à savoir de quoi on l'accuse, du moins pas avant sa condamnation. Ce qui donnerait cette condamnation comme absolument inévitable. Oui, en apparence, tout se passe en effet comme cela dans le procès. On s'est souvent demandé qu'est-ce que Joseph K. aurait dû faire pour échapper finalement à son destin. Et on a beau retourner sa situation dans tous les sens, on arrive à cette conclusion qu'il n'y avait rien à faire. Qu'il n'y avait rien à faire, que tout appartient à la justice, et que même des gens comme, au fond, Madame Grubach ou Mademoiselle Bürstner, qui avaient avec Joseph K. des relations toutes humaines, et même des relations, disons, affectueuses, appartiennent elles-mêmes à la justice. De sorte que les personnages du livre peuvent être répartis exactement en deux groupes. D'une part, Joseph K. tout seul, et d'autre part, tous les autres, qui, peu ou prou, appartiennent à cette justice occulte, dont les seuls représentants que l'on puisse apercevoir, touchés, à qui l'on puisse parler, sont des représentants subalternes qui n'ont absolument aucun contact, semble-t-il, avec les personnages supérieurs qui tiennent les ficelles, et particulièrement ce fameux grand juge que personne ne voit. Absolument, c'est exactement le même cas que dans le château, n'est-ce pas, où tout le monde fait partie virtuellement du château sans que l'on puisse y accéder. C'est exactement le même principe qui est mis encore en évidence par le fait que dans le premier interrogatoire de Joseph K., dans ce tribunal qui se tient dans un grenier, Joseph K., voulant d'abord se défendre, s'aperçoit qu'il y a deux parties dans la salle. L'assemblée semble partagée nettement en deux, et bien que tout le monde soit pressé, qu'il y ait une foule très dense et qu'il n'y ait pas de place pour se remuer, il y a tout de même un canal, une sorte de chemin laissé entre les deux parties. Le parti de droite, d'abord, semble favorablement impressionné par ce que dit K. Il entend des murmures d'approbation, même des rires, tandis que le parti de gauche est muet et semble écouter d'une façon très désapprobatrice. Ceci dure un bon moment, et à la fin de la séance, K s'aperçoit que tout le monde, et les gens de droite et les gens de gauche, ont à la boutonnière un insigne à peu près invisible qu'ils n'avaient pas vu d'abord, qui se trouve également sur le vêtement du juge d'instruction, sur tous les sbires qui se trouvent là, même sur des gens en apparence tout à fait étrangers, et que tout cela n'était qu'une comédie. C'est du moins comme cela qu'il le ressent, et les approbations et le silence des autres avaient la même valeur, et ceci n'entraîne absolument rien quant au fond. Oui, quant au fond, puisque dans la conversation qu'il a eue avec cet étonnant personnage qu'est le peintre Titorelli, dans la mansarde que le Titorelli occupe dans les locaux de justice même, ce dernier lui explique qu'il ne peut y avoir que trois sortes d'acquittements, précisément cet acquittement que cherche désespérément Joseph K., puisqu'il croit toujours être innocent et qu'il ne parvient pas à savoir de quoi on l'accuse. L'acquittement réel, dit Titorelli, acquittement réel dont personne historiquement n'a jamais eu le moindre exemple. Il y a peut-être quelques exemples, mais perdus tout au fond d'une légende incertaine et qui ne peut aucunement servir de référence et a fortiori de jurisprudence. L'acquittement apparent, qui laisse le procès suspendu et que n'importe quel juge d'instruction peut toujours rouvrir contre l'accusé, et enfin l'atermoiement illimité qui peut faire durer le procès et qui correspond au fond à cet acquittement apparent. Bref, il n'y a pas d'acquittement possible. Et à partir du moment où il n'y a pas d'acquittement possible, il faut que l'accusé se sente lui-même coupable, et c'est précisément ce que l'aumônier, dans la séance qui termine à peu près le livre dans la cathédrale, explique à Joseph K. Il l'accuse du crime d'orgueil, du péché d'orgueil, puisque K, s'exclamant encore « Je ne suis pas coupable, à moins que tous les hommes le soient », l'aumônier lui répond « Plutôt que de reconnaître ta faute, tu préfères retourner contre la justice cette accusation que, au fond de toi-même, tu dois sentir que tu mérites, ajoutant ainsi à la première une faute plus grave, celle de te prétendre innocent et par là d'accuser l'accusateur afin de te disculper toi-même. » Oui. Ainsi, il faudrait conduire l'innocent qui est accusé jusqu'à reconnaître lui-même qu'il est responsable de deux fautes. La faute initiale, qu'il n'a pas décelée, et la faute dérivée de cette faute initiale, qui est le péché d'orgueil par lequel il accuse l'accusateur, pour se disculper lui-même. Oui. À cet égard, j'aimerais noter aussi quelque chose qui me paraît essentiel. C'est la différence très grande qu'il y a entre Joseph K. et les autres accusés, précisément, de ce point de vue. Car il y a d'autres accusés dans cette justice. Dont aucun ne proclame son innocence. Aucun, précisément. Les autres semblent, dans une certaine mesure, être dans le vrai, en particulier ce commerçant Bloch, n'est-ce pas, qui a un procès qui dure depuis des années et des années, qui paraît physiquement et moralement absolument épuisé, mais qui ne se plaint pas, et qui surtout ne se révolte pas, et qui n'aurait jamais l'idée de prétendre qu'il est innocent, quoi qu'il ne sache pas non plus de quoi il est accusé, cela va de soi. Mais ce commerçant Bloch, par exemple, semble donner l'image de ce que, dans ce monde de la justification, je dirais, de ce que représente l'acceptation de la culpabilité. Si K est tellement différent des autres, c'est qu'il ne l'accepte pas. Il ne l'accepte pas, et l'aumônier essaye de lui faire comprendre qu'il doit l'accepter et que cette fameuse preuve de sa culpabilité qu'il recherche, elle lui est fournie par la justice elle-même et que le principe auquel il doit se fixer n'est pas celui-ci. Je suis coupable, donc je mérite le châtiment, mais bien le principe inverse. L'on me châtie, donc, je suis coupable. Et il ajoute, tu vas chercher trop l'aide des autres et surtout l'aide des femmes, tu devrais te dire, je suis traqué, je suis élu. Oui, c'est évidemment là que tout se noue dans la pensée de Kafka, bien entendu. C'est que cette tentative de justification qu'il entreprend finalement dans toute sa vie et dans toute son œuvre, et pas seulement à travers le procès, mais dans les autres romans aussi, cette tentative de justification est justement la chose ambiguë par excellence, car à partir du moment où elle a commencé, elle se solde nécessairement par la culpabilité et le châtiment, et l'individu ne peut pas ne pas faire qu'elle soit entreprise. C'est-à-dire que pour Kafka, le besoin de se justifier était à lui seul déjà une faute. Bien sûr. De sorte que l'on n'a pas eu tort de donner au procès une interprétation métaphysique, de voir dans le personnage de Joseph K. une figure particulièrement claire, limpide, de ce qu'est la condition humaine dans sa revendication de la liberté face à la justice, et on y a vu aussi, évidemment, une préfiguration de cet univers moderne qui est d'une part celui de la concentration et d'autre part l'univers dans lequel l'individu n'est plus une personne, mais simplement une unité administrative broyée dans l'ensemble de toutes les organisations administrative où l'individu est réduit à l'anonymat. Bien sûr, de ce point de vue, on peut dire que le procès est une espèce d'épopée de la solitude de l'individu. On a aussi souvent remarqué l'extraordinaire cohésion du monde extérieur dans le procès. En dehors de K qui est seul, le monde entier semble fondé sur une solidarité extraordinairement mystérieuse, car on ne voit pas à première vue ce qui relie tous ces gens, les juges, les avocats, les petites bonnes des avocats, les logeuses. Tout cela est un lien très fort mais invisible, dont K est absolument exclu. C'est ce qui donne aussi l'impression que rien là ne peut l'aider, que personne ne peut l'aider, car il vit vraiment dans un autre monde, un monde qui est lui plein de menaces, exposé à tous les dangers, tandis que les autres forment une espèce de bloc inattaquable. Un bloc inattaquable, mais souvent dans l'abjection, et dans l'abjection et la soumission acceptée. Oui, mais cette abjection a deux faces néanmoins pour Kafka. En effet, tout ce qui participe de la justice est sale, répugnant, corrompu, et mêlé à un érotisme d'un caractère très particulier que l'on retrouve tout au long du livre. C'est vrai d'une part, mais d'autre part, ceci est quand même la face de quelque chose de très élevé et d'assez insaisissable pour l'esprit, comme le sont par exemple les messieurs du château, qui sont aussi paresseux, paillards et tout ce que l'on peut imaginer, mais qui sont pourtant le reflet de quelque chose de très haut et probablement de divin, si l'on veut. Bon, la question qui se pose alors serait celle-ci, il me semble. Est-ce que tout l'appareil de ce monde extérieur, de cette société qui est très étroitement dépendante de la justice, est la peinture, la figuration dans le roman d'une société extérieure réelle que K attaque, contre laquelle il se révolte, ou bien est-ce que tout cet appareil est en réalité la figuration de certains éléments du monde intérieur de Kafka? Est-ce que nous avons affaire à la projection, à l'objectivation d'une réalité intérieure, ou bien est-ce que nous avons affaire à la peinture d'une réalité extérieure? Eh bien, je dirais qu'il y a les deux à la fois. Il y a en effet la projection d'un monde intérieur, cela est trop évident, et la lecture du journal en particulier le confirme sans cesse, mais il y a en même temps une manière de voir un monde extérieur qui existait bien pour Kafka, et qui existait en particulier dans la société que nous avons tenté de décrire à Prague. C'est-à-dire que dans sa situation à lui, ce monde extérieur pouvait être vu comme il l'a décrit dans le procès. C'est là qu'on pouvait trouver la solitude d'un individu absolument isolé de tous, n'ayant aucun chemin naturel vers les autres, aucun chemin véritablement tracé d'avance. C'est là qu'on trouve cet homme qui doit se frayer à grand-peine tous les chemins qu'il lui faudra prendre les uns après les autres, parce que personne ne peut l'effrayer pour lui. C'est là qu'on trouve aussi cette société en apparence très cohérente, car vue de l'extérieur, c'est-à-dire du juif, de l'étranger, elle apparaît ainsi. Elle ne l'est pas, c'est une autre affaire, oui. Et Kafka assurément ne s'y est pas trompé. Mais vue de l'extérieur, et pour le regard de celui qui en est exclu, ce monde a bien, en effet, et surtout n'oublions pas que c'était le monde bien hiérarchisé, fortement hiérarchisé de la monarchie austro-hongroise que Kafka connaissait, il a bien cette apparence de cohésion inattaquable et presque, je dirais, presque de vérité humaine. Oui, bref, entre la solitude de Joseph K. et ce monde, il n'y a pas de communication possible, il n'y a pas d'insertion possible de cet individu révolté, est nécessairement révolté parce qu'il croit fortement à son innocence, et ce monde. Il n'est pas possible qu'il y entre et qu'il y trouve cette communauté que peut-être il cherchait. Mais ne pensez-vous pas aussi, Marthe Robert, que ce juge, ces grands juges que l'on ne voit jamais, ils sont aussi à l'intérieur de Kafka, de même que cette saleté, cette abjection n'est autre chose que ce que précisément le regard intérieur découvre dans le monde même de l'âme, dans cet examen, dans cette observation de soi, dans cette descente aux enfers personnels. Cela ne peut faire aucun doute. La lecture d'un certain passage du procès où sont décrits en particulier les locaux du tribunal fait songer invinciblement à un passage que Kafka note dans le journal et où il dit, je cite maintenant de mémoire, mais où il dit en substance, « Arrivé à un certain niveau de connaissance de soi-même, on en viendra nécessairement à se trouver exécrable. Et ce qu'on trouvera tout au fond, dans la dernière couche que l'on aura découverte, ce sera non pas de la lave, mais de la boue, mais de la saleté. » C'est donc bien, n'est-ce pas, le procès fait descendre l'accusé. Et le fait descendre, dans les profondeurs les plus insaisissables de la personne, où il n'y a pas d'ailleurs seulement la saleté, mais où il y a tout, si l'on peut dire. De sorte que ce monde extérieur qui apparaît dans le procès est la correspondance presque homothétique du monde intérieur dans lequel Kafka plonge lui-même quand il veut se connaître, se découvrir et, au fond, s'affirmer. Oui, s'affirmer et surtout se justifier. Lorsque, en 1917, on aura constaté sur lui une grave tuberculose pulmonaire, il note dans son journal cette phrase très significative que la blessure de ses poumons n'est qu'un symbole. Symbole, d'une part, de la justification qu'il a tentée et qui est sa plaie, et symbole, d'autre part, de ses relations avec FB, sa fiancée, par laquelle il a voulu se justifier. Pour lui, donc, même la maladie physique était en quelque sorte la sanction de cette immense erreur qu'était la justification de soi-même. Je crois que c'est là une chose absolument essentielle pour Kafka, car il ne s'est pas cru justifié pour avoir précisément voulu, en toute honnêteté, avec toute la pureté de son cœur et de son esprit, se justifier aux yeux des autres. Métaphysiquement parlant, il lui est apparu que cette justification était en elle-même déjà une faute. En un mot, un homme n'a pas à se justifier autrement que par son être. Oui. Il n'a pas à se justifier par ce qu'il possède, donc par ses mérites. Il n'a pas à se justifier par ses possessions, n'est-ce pas ? Il est. Et c'est seulement dans la mesure où il atteint une réalité et une qualité pure d'être, d'existence spirituelle au sens le plus profond du mot, qu'il échappe à la justification. Oui, qu'il échappe à la nécessité de la justification, ou au vertige de la justification, ou à la tentation de l'auto-justification, car il est bien clair que l'homme ne pourrait se justifier lui-même. S'il est, il peut être justifié, et son existence peut être justifiée, mais c'est le juge, c'est la justice qui le justifiera, et non pas lui-même. Tout ce qu'il peut faire pour soi, c'est apporter son propre témoignage. Mais son propre témoignage n'est qu'un facteur du procès. Il ne peut pas constituer la pièce unique de ce procès. D'autant plus que ce témoin qui apporte son témoignage dans le procès est nécessairement aussi l'accusé. Il se trouve, et cela Kafka l'a utilisé dans toutes sortes de récits et de nouvelles, il se trouve que dans ce nœud complexe, dans cette situation inextricable dans laquelle se met l'homme, qui, à un moment donné de sa vie, éprouve le besoin de justifier son existence aux yeux des autres, dans cette situation, le drame vient de ce que l'accusé est en même temps le témoin, le juge et l'avocat. Oui. C'est bien pourquoi l'avocat est souvent l'avocat du diable, ce qu'il est dans le procès, quand il pousse l'accusé à se reconnaître accusé. C'est vraiment l'avocat du diable, car à partir de ce moment, la justification n'est plus possible. Oui, il est l'avocat du diable, il est aussi, pourrait-on dire, l'avocat de Dieu, parce qu'il ne peut y avoir d'espoir, de justification et d'acquittement définitif que si l'accusé se reconnaît non pas innocent, mais coupable. Je me demande si c'était bien cela la pensée de Kafka. Ce serait peut-être une idée plus chrétienne ici. Il me semble que pour lui, il ne pouvait plus y avoir ni acquittement en effet, ni condamnation d'ailleurs définitive. Il y avait châtiment, n'est-ce pas, mais pas condamnation éternelle, si je puis dire, dès que la question de la justification avait été posée. C'est-à-dire que le seul besoin de se justifier, de se dire juste, déclenche le procès. Oui. Et nécessairement, une fois qu'il est déclenché, rien ne peut plus l'arrêter ni l'infléchir. Donc, le seul espoir qu'il y a, et il y en a un, effectivement, si bizarre que cela paraisse dans le livre, il y en a même un, je dirais, presque incroyable, tellement il s'affirme en dépit de tout, en dépit de tous les obstacles. Le seul espoir, en effet, c'est que l'être arrive à un tel degré de connaissance que le besoin de se justifier n'existe plus. Oui, en tout cas, il semble bien qu'à la fin du livre, le héros renonce à se justifier et qu'il accepte de subir le châtiment en fait et il est égorgé comme une bête. Oui, néanmoins, il se révolte précisément contre le fait de l'être comme un chien. Il y a tout de même un dernier cri de révolte, sans quoi, probablement, le livre perdrait beaucoup d'émotions humaines. Il ne meurt pas sans rien dire, il ne meurt pas comme un chien, précisément, il crie tout de même à la fin. Vous venez d'entendre « À propos de Franz Kafka », un entretien avec Marthe Robert. Ce soir, vous avez entendu quelques remarques sur le procès, inspirées par la traduction du texte intégral du journal de Kafka. La radiodiffusion télévision française vient de vous présenter Des idées et des hommes, une émission de Jean Amrouche. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 16 avril 1955. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits. Thank you.